écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 8 novembre 2022 et c'est l'épisode 296. Je suis sorti d'une sorte de rhume hein, qui m'a bien agressé ces derniers jours, un espèce de ganglion tellement douloureux que j'avais l'impression, comme je le répétais à tout le monde, de me prendre une manchette de Philippe Etchebest à chaque déglutition. Mais bon, rassurez-vous, d'une part ça va mieux, je vous sentais inquiet pendant une seconde, mais aussi, ce n'est rien comparé à ce que subit Twitter en ce moment depuis l'arrivée de son nouveau propriétaire. Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, est en effet qu'il l'eût cru hein, il y a quelques semaines encore à la tête de Twitter. Il a commencé à vouloir changer fondamentalement le réseau social. Des milliers de personnes virées du jour au lendemain, pour le meilleur et pour le pire, parfois rappelées quelques heures plus tard parce que, oups, on n'avait pas identifié que leur job était important. Exit également par exemple l'hébergement précédent du service de Twitter et puis retour à un hébergement du service sur des serveurs moins coûteux pour faire des économies bien sûr. Et puis tant pis si ça tient moins bien. Ces dernières heures, Elon Musk indiquait lui-même que l'utilisation de Twitter atteignait un niveau record et qu'il espérait juste que les serveurs n'allaient pas fondre. Tout cela est parfaitement rassurant. Comme on vous le disait la semaine dernière, à chaque heure vient son nouveau tweet et une nouvelle rumeur fantasque. La dernière en date, rendre Twitter uniquement accessible via un paywall. On verra ce que ça donne. On ne parlera toutefois pas que de cela. Je vous rassure, dans cet épisode, on vous parlera aussi beaucoup de la nouvelle fournée des algorithmes sélectionnés pour cette semaine et puis aussi un peu de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur Technoville enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode qui s'est senti porté, je pense, par une passion, le karaoké, à en lire les notes de l'épisode. C'est Guillaume Pogdjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va. Je suis plus jeune que j'en ai l'air, vu cette référence que j'ai foutue dans le conducteur. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Mais c'est entêtant, je sais pas pourquoi. C'est un truc, tu l'entends une fois comme ça, mais après, ça te quitte. C'est le genre de chanson virale. Tu sais, tu la chantonnes au bureau, et puis t'es sur clé. Voilà, c'est horrible. Ah, arrête ! Tu me la remets dans la tête. Allez, un énormissime merci à Jacques Béranger qui rejoint la sélection unique et prestigieuse de celles et ceux qui soutiennent financièrement Tech Café, mais aussi le non moins extraordinaire Florian Edouard. C'est vraiment très stimulant de voir que des personnes sont sensibles à notre travail, à notre appel à venir nous soutenir pour faire un petit bout de chemin à nos côtés en finançant les épisodes hebdomadaires. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire sur patreon.com/techcafé. Il faut dire que Tech Café reste un podcast complètement gratuit et on vous propose de devenir des auditeurs engagés, des auditeurs premium, avec une toute petite somme chaque semaine et bénéficiant en contrepartie de quelques avantages comme un flux personnel et privé qui contient les épisodes sans la pub, les épisodes suppléments qui sont même publiés en avance, ça devient un petit peu une habitude maintenant d'au moins 24 heures et surtout, ça va vous plaire, peut-être, l'accès au chapitrage des épisodes. Si vous en avez marre d'entendre parler d'Elon Musk et que vous voulez carrément zapper la rubrique, bah c'est la solution rêvée. C'est donc sur patreon.com/techcafé. Et puis un petit mot aussi pour Emmanuel Rémy, un auditeur qui s'est engagé lui d'une autre manière. Il est venu laisser un avis sur Apple Podcasts. Et je crois que Rémy, vraiment, a parfaitement compris notre mission. Il dit « Tech Café réussit le tour de force de proposer un podcast sur des sujets diversifiés, à la fois abordables mais aussi pointus sur certains aspects. Le ton est libre, les échanges vraiment intéressants, de qualité et argumentés. Chacun peut ainsi se faire son avis ou creuser. » Un grand bravo. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous invite aussi à commenter les épisodes sur techcafé.fr. Rendez-vous aussi sur Discord où on se fait même des recommandations de livres ces derniers temps. Pas forcément liés à la tech non plus. Hein. C'est un espace d'échange hyper sain et plutôt familial. Le lien est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi vous rendre sur techcafé.fr/Discord, sans autre forme de procès, on va donc parler de toute cette saga qui continue entre Elon Musk et Twitter, enfin entre Elon Musk et Twitter, plutôt Elon Musk et Twitter maintenant, parce que une des premières décisions, c'est de réduire les dépenses excessives, et une bonne manière de réduire des dépenses excessives, Guillaume, c'est quoi ? Mais c'est de virer des gens, bien entendu, et on va passer effectivement... C'est horrible. C'est complètement horrible. De toute façon, tout est complètement horrible. Je crois que j'étais méchant aussi dans une vie antérieure parce que j'ai dû être horrible, tu vois, parce que dans cette vie aussi, on remarque que je suis horrible. Ça doit être pour ça, ça doit être le karma qui m'oblige à parler de Twitter et d'Elon Musk toutes les semaines, comme ça, c'est pas possible. C'est vrai. C'est dur hein, de faire autrement. Honnêtement, on aimerait faire un épisode qui ne parle pas de ça. Enfin, non, le sujet est intéressant, on le suit, de toute façon. Bien sûr. Et c'est incontournable. Mais je pense qu'effectivement, là, le mot chaotique, hein, pour qualifier tout ça, n'est pas du tout exagéré. Rien qu'en parlant des licenciements, déjà, c'est spectaculaire, hein, puisqu'on parlait d'un plan visant à virer les trois quarts des salariés. Ça avait été démenti par Elon Musk. Non, absolument pas. Ce sera pas trois quarts, c'est juste deux quarts. Voilà, puisque j'ai vu passer le nombre de 3800 employés remerciés, comme on dit, donc voilà, on est à rien de la moitié des effectifs. Ce qui est complètement délirant, et qui concerne toutes les équipes à des degrés divers, donc certains ont été purement et simplement dissoutes. Il y a certains managers d'ailleurs qui planifient les licenciements qui se sont eux-mêmes fait virer, et il y a même jusqu'à 15% de l'équipe en charge de la modération, un secteur qui semblait pourtant pas avoir un luxe de moyens, mais même jusqu'au cœur du fonctionnement technique, comme tu l'as dit, de la plateforme, les coupes se prolongent même dans les dépenses d'infrastructure, dans les serveurs, qui seront divisés par 1,5, donc moins de serveurs, purement et simplement aussi. Et oui, bah, si vous pensez que ça pourrait se voir à un moment, vous avez raison. Si un pic de fréquentation, comme ça ne manquera pas d'arriver, genre bah, demain, hein, puisque c'est les élections de mi-mandat en plus, mercredi, le service pourrait juste mal marcher, quoi. Mais qu'importe, tout est bon pour économiser ce milliard annuel dont Elon a besoin pour rembourser la dette avec laquelle il a en partie racheté Twitter. Alors le problème, c'est qu'à ce niveau-là d'économie, c'est qui intervient plus du jour au lendemain et dans une précipitation extrême, il est assez probable que, comme le craignent fort quand même des ex-employés, des choses commencent à déconner. Je cite « l'existence même de Twitter, en fait, presque est en péril ». Et ça semble se confirmer d'ailleurs, si on en croit un article de Bloomberg donc, qui affirme que certains employés auraient même été rappelés. Certains ont été licenciés par erreur, on va dire, et d'autres, se seraient juste aperçus, après coup, qu'ils étaient utiles. Ben oui, quand ils sont plus là, c'est quand t'es plus là. C'est quand t'es pas là que tu manques, évidemment. Donc voilà, c'est ballot. Tu fais quoi? On te vire et 24 heures après, on te rappelle, on te dit « bon, désolé, c'est allé un peu vite, en fait, on a besoin de vous ». Honnêtement, tu fais quoi? C'est un gros souci, parce qu'en fait, virer ou pas virer, t'es un petit peu dans les limbes, il y a des problèmes quand même qui ressortent au niveau, par exemple, des indemnités de licenciement. C'est-à-dire, tu les touches pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas te refaire lourder par la suite? Donc, c'est vrai que le souci qu'il pourrait avoir chez Twitter, c'est que les gens qui veulent le rappeler ne veuillent pas revenir. D'ailleurs, Ben Collins de l'NBC raconte qu'il aurait parlé à plusieurs employés comme ça, qui auraient été ravis de se faire lourder en fait. Et il avait jamais vu ça. Des gens qui étaient aussi contents de partir, il avait jamais vu ça. T'imagines pour eux, depuis des mois, en fait, ils sont dans une situation complètement erratique. Ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et ils voient Elon Musk arriver à la tête de la boîte et il représente peut-être tout ce qu'ils craignaient directement. Donc oui, c'est presque un soulagement. Et puis en fait, les plus à plaindre, c'est peut-être ceux qui restent pour continuer à faire tourner la boutique avec les quatre bouts de ficelle qui restent, quoi. Hein. Alors quoi qu'il en soit, une partie des salariés renvoyés sont d'ores et déjà en train de monter une class action contre Twitter. Parce que figurez-vous que même aux États-Unis, il existe un truc qui ressemble un peu à un code du travail. Fou. Ça m'a surpris quand même. N'est-ce pas? C'est fou. Et il y a des règles dedans même. Et par exemple, prévenir suffisamment à l'avance quelqu'un qui va se faire lourder. Précisément, c'est 60 jours. C'est 60 jours si jamais il y a un plan de licenciement d'un certain nombre de personnes. Ouais, voilà. De plus de 30% des employés, on y est largement. Enfin bon, après, avec ceux qui sont rappelés, on ne sait pas, on verra, parce que tout change tellement vite. Mais enfin, pour l'instant, il y a au moins 5 employés, pour le moment, qui ont déposé une plainte à San Francisco, parce que le licenciement ne serait pas conforme au WARN Act. Donc WARN, c'est Worker Adjustment and Retraining Notification Act, n'est-ce pas? Et je dois dire que Jean-Michel acronyme s'est surpassé. Ah, alors, il est fort, hein. Et voilà, donc bon, écoute, on verra, on vous tiendra au courant, parce qu'évidemment, tout ça n'est pas fini, bien sûr. On va en reparler, mais il y a un truc quand même que je voulais rajouter sur les licenciements, parce qu'on est sur le sujet délicieux des licenciements massifs quand même, donc c'est intéressant de voir que, oui, Twitter, c'est gros, enfin, il va y avoir beaucoup de gens sur le carreau, mais selon le Wall Street Journal, on ne serait pas au bout de nos peines, parce que ça dégraisse aussi beaucoup chez Meta. On avait dit que chez Meta, il y avait quand même beaucoup de... Voilà, ils avaient grossi très très vite ces dernières années, qu'ils étaient en difficulté, et en fait, le dégraissage chez Meta pourrait être pire encore que chez Twitter. Alors, Meta, c'est 87 000 employés, donc en proportion, ça sera forcément moins impressionnant, mais en volume, ça pourrait tout à fait dépasser 3800 renvois. Hein. Metaverse oblige tout ça, ils ont vraiment beaucoup de trucs. Ils avaient déjà gelé les embauches, on va voir où est-ce qu'ils vont sabrer, du coup, ça va aussi confirmer les priorités de la boîte. Et d'ailleurs, j'ai aussi été surpris de voir que même Apple allait geler l'embauche dans certains secteurs. Donc Apple va pas mal, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils cherchent aussi à réduire les coûts, assez incroyablement. Alors, le gel ne concerne pas ceux qui vont travailler sur les futurs nouveaux appareils, mais on sent que même Apple réfléchit mûrement à son budget 2023. Après, bon, il s'attend à des baisses de ventes sur le Mac, le contexte n'est pas super. Et bon, faire des économies, c'est un truc où Wall Street, il aime bien ça, hein, réduire les coûts. Même si ça va pas mal, tu maintiens la croissance en réduisant les coûts, en dégraissant un peu, c'est un truc que les investisseurs, ils aiment bien de toute façon. Ouais, bon, dans le cas d'Apple, c'est plus un gel effectivement des embauches, comme tu le dis, qu'un plan de licenciement, en tout cas à ce stade, évidemment, et ça peut évoluer. On peut comprendre hein, que ces boîtes, de toute façon, compte tenu de la conjoncture, soient extrêmement frileux quant à investir massivement sur des recrutements. L'heure n'est plus à une croissance à tout prix en cette année 2022, et il est urgent d'attendre, j'imagine. En tout cas, c'est la directive qui a été donnée aux responsables RH. Donc, en tout cas, des implications très concrètes qui vont se profiler du côté de Twitter. Et il est question, évidemment, directement de l'identité en ligne hein, sur Twitter, Guillaume. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on vient de parler du chaos pour le personnel. Il y a aussi le chaos général sur le changement fonctionnel et même... De philosophie, voilà, de la plateforme, quoi, aussi, quoi, hein, qui vont et qui viennent un petit peu au gré des tweets et des humeurs d'Elon. Hein. Alors là, je vous le dis tout net, hein, moi, je vais renoncer à essayer de comprendre vraiment la logique. S'il y en a une pour l'instant, sachant que ça change tout le temps et que ce qu'on va dire sera peut-être périmé la semaine prochaine. Mmh. Bon, effectivement, il aurait eu l'idée de rendre Twitter payant. Donc, dans son entièreté, il aurait été payant, tu l'auras utilisé, voilà, comme tu disais, un certain temps. Peut-être que c'est encore dans les tuyaux. Je sais pas à quel point c'est envisageable. Enfin, moi, je suis pas utilisateur de Twitter en plus. Je sais pas quel est ton avis. Est-ce que ce soit envisageable ? Je sais même pas quoi. Que ça fasse partie des discussions, probablement. Moi, je pense qu'ils explorent toutes les possibilités. Et c'est quelque part sain, hein, je pense, quand tu es dans une situation où tu veux refondre un service, de te poser plein de questions et de t'interdire aucune question. Par contre, ça pose quand même des questions assez structurantes pour Twitter, parce que une des forces de ce réseau social, c'est aussi l'espace d'influence qu'il renvoie dans la citation des tweets sur des sites de news, par exemple. Combien de fois on a des tweets de politiques, de responsables industriels qui sont cités dans des pages d'articles. Alors là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sites web, ils auraient un passe-droit éventuellement ? Ou est-ce qu'eux-mêmes devraient passer à la caisse ? Tu vois, ça pose quand même des questions très fortes. Et je me rappelle qu'il y a peut-être pas si longtemps que ça, Guillaume, mais on se posait la question, je me rappelle, c'est toi qui me posais la question. Mais oui. C'est qu'est-ce que tu penserais si Facebook n'avait par exemple plus de pub, mais qu'en échange, il était payant ? C'est marrant de voir que la question pourrait se reposer. Hein. En fait, c'est une question qui est vachement intéressante, je trouve, parce que ça pose la question de savoir ce qu'est un réseau social, en vrai. Carrément. C'est-à-dire, un réseau social, quand il est gratuit, peut faire n'importe quoi dessus, n'importe qui peut aller dessus, faire toutes les conneries. Quand il devient payant, déjà, effectivement, il y a la question de la pub qui se pose, et puis surtout, il y a la question de l'usage, c'est-à-dire que si tu payes quelque chose, c'est pour une raison précise, tu vas pas payer pour faire des conneries, enfin tu vois, le fait qu'il y ait un ticket d'entrée, ça repositionne le réseau social comme un outil dont des marques pourraient avoir besoin, dont des gens qui ont besoin de faire connaître des tubes pourraient avoir besoin et payeraient sans problème, mais dont les kikous qui veulent juste faire des conneries ou dire de la merde sur tout ce qui passe, peut-être ils pourraient reconsidérer, tu vois. Et finalement, est-ce que finalement les réseaux sociaux, c'est pas plus des outils professionnels, quoi, tu vois, de diffuser comme ça parce que la force de diffusion de Twitter, c'est un truc qui est très utile professionnellement. Donc du coup, ça repositionnerait Twitter de manière vraiment différente. Donc c'est pour ça que je disais que il y a aussi une question sur la philosophie même de ce que pourrait être Twitter. Si on en vient à rendre Twitter complètement payant, c'est carrément plus du tout le même, c'est plus du tout le même outil, c'est plus du tout la même plateforme, je pense. C'est une équation à nombres inconnus, parce qu'à partir du moment où tu rends le service exclusivement accessible à des personnes qui payent ce service, je pense que structurellement, tu as moins de monde. Et la force d'un réseau social, je crois avoir sorti un mot que j'avais pas bien compris, mais qui en fait prend un petit peu tout son sens. Je vais essayer de le retrouver pendant qu'on échange, Guillaume, mais c'est tout simplement, c'est une notion assez simple, hein, c'est qu'en gros, alors c'est la loi de Metcalfe, je ne sais pas si tu connais, c'est une loi qui paraît très compliquée, mais qui dit juste simplement à quel point un réseau social est important dans la mesure où il a beaucoup de monde dessus. En fait, c'est bête, hein, mais s'il y a beaucoup de monde dessus, il est structurellement intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il y aura un usage limité de consultation, par exemple. Enfin, tu pourrais considérer qu'il pourrait y avoir un usage illimité de consultation, mais un usage limité de production, de postes, et que si tu en as besoin de plus, tu devras payer. Et du coup, ça positionne effectivement le truc comme un outil professionnel de diffusion de trucs, quoi. Que ce soit, je dis pas que c'est bien ou pas bien, en tout cas, là. Je dis juste que ça changerait l'essence du truc, quoi. Ouais. Et si la consultation reste gratuite, il pourrait quand même rester pas mal de monde dessus, en fait. Tu vois, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est assez connu qu'une énorme proportion des utilisateurs de Twitter ne font que consulter, comme dans tout réseau social. Pour partout. Et après, ça pose sur Reddit, c'est pareil. Hein, c'est partout pareil. Oui, c'est finalement pareil sur nombreuses plateformes. Et il y a quand même un sujet, Guillaume, qui revient sur le devant de la table. Je suis sûr que tu le vois venir et qui n'était pas dans le conducteur. Donc, je te piège, entre guillemets, avec ce sujet. C'est celui que tu as bien suivi de Mastodon, dont on a parlé il y a de ça quelques années. Oui, je voulais... en fait, Mastodon, effectivement, c'est... je voulais en parler aussi parce que... Il n'y aura pas de supplément hebdomadaire, il y aura pas de supplément. Ça part long là. Hein, tout cas pas au format habituel. Donc si tu dois en parler, c'est maintenant, Guillaume. Oui, mais en fait, je voulais parler effectivement. De toute façon, je voulais parler de Twitter et du nouveau Blue. Enfin, ce qui pourrait devenir le nouveau Blue, puisque pour l'instant, les équipes travaillent 20 heures par jour. Enfin, les équipes qui ont été sélectionnées pour travaillent 20 heures par jour sur cette espèce de nouveau Blue. Et pour résumer, Elon veut changer le processus de vérification de l'identité Twitter, qui connaît une petite il donne une petite pastille bleue pour montrer qui vous étiez, quoi. Pour que vous étiez probablement celui que vous disiez être, quoi. Et là, globalement, la pastille bleue va être à 8$, et ça va confirmer que dalle, hein, authentifier que dalle, quiconque paye 8 balles par mois aura et commence à avoir sa pastille chérie. Alors, enfin, en tout cas, c'est pour l'instant ce qui se trame, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu. Quelle est la logique de virer le seul semblant de repère aussi imparfait qu'il était pour l'instant sur Twitter? Je sais pas, personne n'a aucune idée. D'ailleurs, pour démontrer à quel point c'est débile, il y a plusieurs personnes avec des comptes vérifiés, hein, avec des petits pastilles bleues qui ont changé leur profil pour faire des comptes d'Elon Musk parodiques. Il a intéressé justement à péter une durite. Hein. Il a décidé que dorénavant, tout compte, ce qui se ferait passer pour quelqu'un d'autre serait banni à vie. Je rappelle que la semaine dernière, je disais encore qu'il ne croyait pas à la notion même de bannissement définitif. Il avait dit, donc il serait banni. Sauf si c'était clairement écrit qu'il y avait parodie. Et c'était le cas d'ailleurs de plusieurs plaisantins là dont je parle, qui se sont fait virer quand même, même quand leur compte était celui d'Elon Musk ou de Elon Musk parodie. Je veux dire, Elon Musk parodie, quand ton compte s'appelle Elon Musk parodie, c'est difficile de pas dire que c'est parodie, quoi. Bon, Musk est donc allé jusqu'à interdire en substance tout changement de nom, alors que j'ai l'impression que sur Twitter, tout le monde, y compris Musk lui-même, hein, change de nom tout le temps, en fait, le nom affiché, donc il s'affiche. Donc, qu'est-ce qu'il cherche à faire, Elon? Il cherche à faire du pognon, c'est sûr. Bon, voilà, faire payer la certif 8$ en espérant ramener les foules, ça baisse la friction à l'entrée, j'imagine. Hein, sachant que, comme un fort avantage, il y aurait un volume de publicité réduit de moitié. Mais ça, c'est pas décidé. Et heureusement, parce qu'en fait, il semble que réduire la publicité de moitié pour tous ceux qui seraient abonnés, ça rend le truc pas rentable. Parce que ça ferait perdre trop de revenus publicitaires. Donc, le business model, pour l'instant, il est pas vraiment clair. Hein, et à moyen terme, ça risque de dévaloriser aussi la certification, qui pourrait même accroître un peu plus le bordel sur le réseau. Et il y a déjà des très gros annonceurs qui ont mis leur campagne Twitter en pause. On parlait de General Motors la semaine dernière. Il y a Ford, Audi et General Mills qui l'ont rejoint. Accessoirement concurrent de Tesla. Oui. Alors General Mills, c'est de l'agroalimentaire. Donc pour l'instant, je parlais de General Motors. Ford et Audi, ouais, on peut considérer effectivement que ce sont des concurrents de Tesla. Et Elon parle d'une baisse massive de revenus. Et évidemment, c'est une tentative de détruire la liberté d'expression en Amérique. Hein, c'est ce qu'il dit. Bien entendu, puisque c'est connu que Ford a la responsabilité de sponsoriser la liberté d'expression. Et oui. D'après lui, voilà, ce seraient les activistes de gauche, comme d'habitude. Bon, bref, on s'en fout. D'après Bot Sentinel, effectivement, il y aurait donc 875 000 comptes qui auraient été désactivés par le propriétaire entre le 27 octobre et le 1er novembre. Est-ce que c'est un début d'exode massif? Là, c'est un gros truc, souci, parce qu'en fait, j'ai des informations qui sont carrément contradictoires, puisque d'un côté, il y a presque 1 million de comptes qui auraient été désactivés, plus d'autres trucs là, qui auraient été virés. Alors, on va y revenir, mais... effectivement, selon Twitter, comme tu l'as dit, Twitter affirme que sa base d'utilisateurs monétisables s'est accrue de 15 millions. Dans son langage, ça veut dire qu'il mange les 250 millions de MDAU, de Monetizable Daily Users, contre 237 au dernier rapport. Ce qui est... donc, qu'est-ce qui est vrai? Je sais pas, est-ce que peut-être les deux sont vrais, en fait. Hein, peut-être que c'est juste... les deux sont peut-être vrais. De l'autre côté... Il y a aussi beaucoup de gens qui ont annoncé effectivement publiquement leur volonté de partir de Twitter pour aller rejoindre Mastodon. Mastodon, c'est une alternative naturelle. On ne compte plus d'ailleurs dans la presse et les articles sur Mastodon, qui existent quand même depuis 6 ans et dont personne ne parlait jusqu'à là, c'est la semaine dernière, c'est bon, tout le monde parle de Mastodon, quoi. Mais c'est bien, tant mieux, hein, je veux dire. Mais voilà. Et effectivement, depuis le 27 octobre, il y a 230 000 utilisateurs de plus qui font des poètes plutôt que des tweets. Bon, c'est bien. Après, Mastodon, c'est très différent. Hein. C'est décentralisé, donc c'est un peu plus compliqué. Il y a des histoires d'instances, il y a plusieurs instances, mais par contre, il y a des communications entre les instances. Bon, après, les politiques de modération changent selon les instances. Le truc, c'est qu'il y a une audience infiniment plus faible sur Mastodon, hein, puisque dorénavant, il y a quand même 650 000 utilisateurs mensuels sur Mastodon, ce qui est vraiment pas mal. Mais bon, il y en a 230 millions sur Twitter, tu vois, voire 250, d'après ce qu'ils disent. Donc je sais pas à quel point Mastodon va grossir. C'est un énorme coup de boost pour lui, donc merci Elon, tu vois, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté... Enfin, Bon, je sais pas, est-ce que le fait que ce soit Mastodon, justement, il n'y a pas Twitter, est-ce qu'il ne va pas y avoir une saturation? Je sais pas, tu vois. C'est hyper délicat de faire des prédictions. De toute façon, ce qui est sympa, c'est de les observer. Et puis, quelque part aussi, de se poser la question de faire soi-même l'exercice. En fait, moi, je t'avoue, hein, je me fais l'exercice. C'est le prétexte qui veut ça, de me remettre un petit peu à Mastodon. J'avais un compte que j'avais ouvert en 2017. Alors, il faut le reconnaître. Hein, la barrière à l'utilisation, à la première utilisation, n'est pas aussi intuitive que les réseaux sociaux classiques. J'avoue, quand tu vas chez Twitter ou dans d'autres réseaux sociaux, t'es un peu massé. Hein, pendant ton expérience d'enrôlement, comme on dit, on te fait des papouilles, on te fait des petits effets qui vont bien. Tu te sens vite à l'aise. Chez Mastodon, c'est plus abrupt parce que le premier clic, tout de suite, là, on te dit bon, choisissez un serveur. Ouh là là là là, pourquoi est-ce que je dois choisir un serveur? On ne te dit pas pourquoi. Et bon, puis lequel? Et si je veux pas choisir de serveur, vous pouvez pas m'en donner un par défaut, etc. Bon, en fait, il y a plusieurs réflexions qui me sont venues par rapport à ça. D'une part, je trouve, compte tenu de l'actualité, Mastodon, par essence, très beau. Et je comprends tous les messages qu'on a pu avoir durant toutes ces années, Guillaume, de libristes, donc d'activistes du monde libre, qui ont bien raison d'être là, qui ont bien raison de faire leur boulot. Je suis pas forcément d'accord avec tout et je peux pas soutenir à 100% toutes les propositions de services et de logiciels libres. Mais quand même, Mastodon est une belle proposition sur le plan technique et logique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir toutes les personnes qui critiquent justement cette difficulté d'utiliser Mastodon, parfois de se créer un compte, parfois une fois qu'ils sont dessus, à avoir du mal à trouver des contacts avec qui interagir sur leur centre d'intérêt. Et quelque part, la réflexion que je me suis faite ces dernières heures, Guillaume, c'est de me dire, qu'est-ce que ces plateformes nous ont habitué à une paresse intellectuelle affligeante, en fait. C'est toujours le même problème. C'est le même problème avec Linux, en vrai. C'est le problème de la liberté versus la simplicité, ouais, mais et tout ça. C'est plus vrai, en fait. Enfin, c'est pas simple. C'est pas compliqué, je veux dire. C'est plutôt qu'on nous a habitués avec des services, le terme entre guillemets, courant, enfin mainstream, quoi. Avec les services qu'on a l'habitude d'évoquer dans Tech Café ou en général dans le monde de la tech, on est habitué à une apparente simplicité, mais finalement le reste n'est pas compliqué. Peut-être que c'est moins bien expliqué, peut-être qu'on est moins bien guidé, peut-être qu'il y aurait des efforts à faire, mais en soi c'est pas compliqué. Non, mais tu vois, bon, le truc c'est que qui dit liberté dit souvent plus de diversité. Il faut faire des choix, les choix ça se fait selon des critères. Et enfin, tu vois, sous Linux par exemple, Linux c'est pas compliqué non plus, hein. Si tu veux utiliser Linux plutôt que Windows, bah c'est pas compliqué. Puis attends, t'as des distributions qui sont encore plus simples à utiliser, qui sont magnifiques, qui sont très belles, très faciles, très agréables à utiliser, et il y en a plein. Mais le fait qu'il y en ait plein, c'est justement pas forcément une force, parce que il faut choisir, tu vois, et laquelle tu choisis, et pourquoi, et si je veux changer, bon. Et là, sur Mastodon, c'est un petit peu pareil. Mastodon, c'est très cool, en vrai. Il y a effectivement plusieurs serveurs, hein. Bah, c'est un peu comme Discord, hein, tout simplement. Ouais. Donc, ça ressemble à Discord dans ce truc-là. C'est-à-dire, t'as plusieurs serveurs avec des thématiques. Donc, et puis, évidemment, bah, chaque instance a un modérateur, administrateur serveur, tout ça, qui a tout pouvoir, hein. Et il peut d'ailleurs très bien choisir de ne pas communiquer avec les autres instances, ou au contraire de communiquer avec les autres instances. Donc, ça fait une sorte de réseau fédéré, ce qu'on appelle le fait divers. Et c'est très bien aussi, ça marche bien, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais c'est un peu différent, effectivement, c'est un peu moins simple, il faut choisir son serveur, si on veut changer de serveur, qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais, mais je pense que t'as raison, hein, y a une forme de paresse intellectuelle, mais c'est aussi flatter juste le fait que, bah, en tant qu'être humain, on aime bien la simplicité, et puis on aime bien se poser le moins de questions possible, et puis c'est parce qu'on aime bien le confort aussi, tu vois. Bah, c'est tellement vrai que je pense que c'est à l'origine de beaucoup de problèmes de l'humanité aujourd'hui, malheureusement. Le confort, c'est le confort. Bah, si on se repose la question, puisque je sais que le sujet a été relevé sur notre serveur Discord à nous suite aux derniers épisodes, le réchauffement climatique, bah, effectivement, je pense qu'une des composantes de ce réchauffement climatique liée à l'activité humaine, c'est bien évidemment une forme de paresse de l'humanité pour changer, prendre conscience de certains enjeux. Et je crois que cette paresse intellectuelle, bah, elle fait un peu mal au cœur, quelque part. Oui, bon. Et puis c'est nourri par les considérations mercantiles aussi, hein, je veux dire. Tu choisis une marque parce qu'elle t'offre du confort, et donc du coup, bon, bah, voilà, c'est au mépris de tout le reste. Enfin, c'est, je sais pas, écoute, Mastodon, bon, pour l'instant, je vais essayer de pas trop se disperser. Mastodon, oui, Mastodon, c'est très bien. Mastodon, c'est une communauté qui est pour l'instant beaucoup plus inclusive et beaucoup moins toxique que Twitter dans son ensemble. D'ailleurs, c'est juste une démonstration. Il y aurait eu aussi dans les 500 000 comptes qui auraient été suspendus sur Twitter. ce qui est supérieur à la normale, dans la période de temps du 27 octobre au 1er novembre dont j'ai parlé. Et ça serait possible que ce soit dû à des utilisateurs qui se lâchent pour tester les limites du nouveau Twitter, du Twitter Elon Musk. Parce que donc, il y a Network Contagion qui a repéré que le mot nègre, par exemple, avait été 6 fois plus utilisé dans les 12 heures qui ont suivi le rachat. Il y a même un compte qui a écrit « Maintenant qu'Elon possède Twitter, lâchez-vous sur les insultes raciales, ouais !» Et ça a été aussi le cas pour d'autres formes de trolling, hein, voilà, contre les gays, trans, il y a eu du sexisme, bon, enfin, du contenu ça, délicieux, n'est-ce pas, destiné à tester les limites de la modération de Twitter, du nouveau Twitter. Bon, c'est pas de nature à rassurer les annonceurs, ça. Écoute, pas vraiment, pas vraiment. Donc, franchement, est-ce qu'il y aura Exode ou pas ? Est-ce que Twitter va se casser la gueule ? Franchement, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. La situation n'est pas du tout stabilisée. Vitalik Buterin, d'ailleurs, le voit d'une manière très sereine. Alors, lui non plus, il ne sait pas du tout ce qui va se passer, parce que dans 90 jours, il peut tout se passer. Entre maintenant et dans juste 3 mois, il peut tout se passer. Mais pour lui, si Twitter se casse la gueule, bah, écoute, tant pis. De toute façon, il y a peu de chances que Twitter s'améliore avec Elon Musk par rapport à ce qu'il est tout de suite maintenant. Et s'il empire, ben, ce sera une bonne chose aussi. Il y a une autre plateforme qui potentiellement sera meilleure et qui émergera. Bon, en attendant, Jack Dorsey, t'as vu, qui est apparemment prêt à tout pour couvrir son pote Elon, essaye de partager une partie de la haine en admettant que c'est lui qui a fait grossir la boîte trop vite et que donc, voilà, c'est à cause de lui tout ça. Il est vraiment quel melon, lui aussi, c'est incroyable. Ah, mais il est prêt à se jeter sur une grenade pour Musk. Hein. Ça, c'est quand même une belle leçon d'amitié, non? Les potes. Ouais, qui est aussi, lui, hein, sur un projet de réseau social, en tout cas quelque chose qui s'apparente à être un réseau social avec une composante là aussi très Web3, très décentralisée, qu'on pourra réaborder à l'occasion. On conclut un peu sur ce sujet, Guillaume. Tu as marré cette histoire de truc décentralisé, parce que Mastodon, c'est pas décentralisé, ça existe depuis 6 ans, ça marche très bien. Bon, enfin bref. Tiens, dernière chose, je voulais absolument le glisser, excuse-moi, parce que en fait, j'ai vu ça l'autre jour et je trouve que c'est très parlant. Pour ceux qui ne comprennent pas la différence entre un Mastodon, par exemple, et un Twitter, pensez à la manière dont fonctionnent les mails. Bah, en gros, vous avez des instances, des serveurs, des services mail différents. Il y en a qui sont chez Gmail, Outlook, il y en a d'autres qui ont leur propre serveur de mail ou auprès de leur entreprise. Mais en fait, les mails, vous pouvez les envoyer à n'importe qui à partir du moment où c'est des mails. Mais vous avez juste votre compte mail qui est rattaché à une entité. Ça peut être encore une fois Gmail ou une autre entité mail. Et je trouve que cette analogie est assez intéressante. Alors évidemment, il y a beaucoup de limites à cette analogie, mais je trouve que c'est assez représentatif de la manière dont est construit Mastodon dans sa structure. Mais je te dis, moi, ça me fait penser à Discord. Hein. T'as un serveur Discord, il est géré par des gens qui ont tout pouvoir dessus. La seule différence, c'est que tu peux pas renvoyer d'un truc d'un Discord sur notre Discord. Ça, c'est vrai. Ça. Ça, c'est vrai. C'est ça. Et c'est ce qui fait la beauté de Mastodon. Mais complètement. Mais bah oui, c'est ça. Du coup, bon, alors, c'est vrai qu'en attendant, alors que Twitter se cherche un nouveau business plan, c'est vrai qu'on parle de ça, mais les problèmes sont toujours là, hein, les problèmes de base du réseau social. Ceux qu'il y avait avant, ils sont toujours là, tu vois. C'est la saison électorale aux États-Unis, les élections de mi-mandat sont là, les trolls sortent de leur caverne, tranquillou. Donc, les boîtes qui étudient ces phénomènes, hein, comme Mandiant, Graphica ou Recorded Future, ont donné le retour de compte, hein. Ben voilà, ils ont noté un petit peu tout ça, et ça revient pour pourrir l'ambiance, et ça s'adapte à l'actualité. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est que comme par hasard, les nouveaux comptes de nouveaux trolls, là, sont, enfin, pour les élections, sont autant anti-Biden qu'anti-intervention en Ukraine. Donc ils tournent autant en dérision le gouvernement démocrate que Volodymyr Zelensky, alors c'est bizarre, n'est-ce pas ? Après, en creusant un peu, c'est pas très difficile de voir que c'est pas des vrais gens, en vrai, hein, et avec quelques outils, tu peux même remonter vers des sources russes, chinoises ou iraniennes. Alors la principale différence, c'est que les pires trolls se retrouvent plutôt sur Gab, Getter ou Parler cette fois. Donc ils savent que c'est désormais moins facile de se diffuser via Facebook ou Twitter, enfin pour le moment, et ils savent aussi très bien qu'ils ont une audience très réceptive là-bas. Après tout, c'est eux qui l'ont créé un petit peu cette audience. Donc parce que cette polarisation, cette défiance dans les institutions, toutes ces conspies là, ils ont travaillé dur, hein, pour les favoriser, les maintenir. Bon, maintenant du coup ils capitalisent un peu. Et étonnamment, si les experts reconnaissent que du coup ces campagnes ont une portée qui est bien moindre sur Gab, avec quelques milliers de partages au mieux, hein, ils sont quand même inquiets parce que ça atteint moins de gens, mais les gens que ça atteint sont totalement réceptifs à ce genre de truc. Et comme ils sont déjà dans une haine inconditionnelle des libéraux, hein, pour la plupart, c'est pas si difficile de les entraîner vers une position anti-Ukraine, par exemple. Donc en gros, quantitativement c'est plus petit, mais qualitativement, ben, on convainc plus facilement ceux qu'on touche, et on espère qu'il y a une percolation du chaos à la société entière. Petit à petit, et ça marche, parce que ça a déjà marché en vrai, ça a déjà marché, une étude particulièrement déprimante d'ailleurs, vient de démontrer à quel point ça marche. Quand on réussit à réduire la détestation entre les républicains et les démocrates aux États-Unis, on réduit pas la tendance antidémocratique. C'est une étude de Stanford qui a utilisé des méthodes connues pour réduire la polarisation politique, hein, sous-entendu la polarisation affective, hein, c'est-à-dire la tendance à rejeter d'emblée voilà, tout ce qui vient du bord politique opposé. Alors, pour réduire ça, par exemple, on corrige les idées reçues, on favorise les amitiés transpartisanes, on montre des collaborations entre des dirigeants politiques qui sont des bords différents, etc. Et quand on fait tout ça, on réduit effectivement la polarisation, on peut mesurer ça. Par contre, la détestation épidermique, on peut la réduire, mais on ne réduit pas de manière mesurable les supports pour les candidats antidémocratiques. L'engouement pour la violence partisane et l'esprit de groupe, en fait, privilégier cet esprit de groupe potentiellement au mépris des institutions. Donc il y a beaucoup de travail pour améliorer tout ça et se focaliser sur la dépolarisation, en fait, n'est peut-être pas si efficace. Et par ailleurs, se focaliser sur l'élimination de la désinformation non plus n'est peut-être pas la bonne méthode. Il reste beaucoup de recherches à faire et parfois les résultats sont assez contre-intuitifs. Ouais, c'est un vrai sujet qui a été bien animé par les réseaux sociaux, cette polarisation. Et on va pas revenir sur le sujet, mais j'imagine qu'il existerait des solutions qui demanderaient probablement beaucoup moins de paresse intellectuelle dans nos usages pour être mises en œuvre. Mais écoute, c'est intéressant à suivre. Justement, tu dis, peut-être ça ne vient pas forcément que de nous et ça ne vient pas, ça vient pas même peut-être pas principalement de nous. Parce que ce que je viens de... J'ai tendance à penser que c'est nécessaire mais pas suffisant. Disons, on a forcément une part de responsabilité, mais tu vois, ce que je viens de dire peut sembler vraiment bizarre, c'est surtout dans ma bouche. Je veux pas dire qu'il faut pas lutter contre la désinformation, bien sûr. C'est juste que mettre toutes ces ressources là-dedans et se focaliser totalement là-dessus, ça peut nous détourner d'approches systémiques qui seraient potentiellement plus puissantes. Alors, c'est un sujet de réflexion aussi pour les régulateurs. On parle occasionnellement d'ailleurs d'impératifs de transparence sur les algorithmes, hein, c'est très important. Et pourtant, on en parle quand même beaucoup moins souvent que de la section 230, de la modération, de ouais. l'infox, etc. Et pourtant, en fait, ce que montrent les algorithmes de Twitter et à qui, qu'est-ce qu'ils montrent et à qui, c'est fondamental. Et pour bien le faire comprendre, il y a un long article super intéressant de Noé Mamag, qui est signé par René Di Resta, qui est donc de l'Observatoire d'Internet de Stanford. Lui, il utilise la comparaison avec... Elle utilise la comparaison avec un vol d'oiseau. Alors, un vol d'oiseau, c'est magnifique. Hein. C'est fascinant, un vol d'oiseau. Il y a des milliers d'oiseaux comme ça, qui volent ensemble, qui forment des structures, qui ondulent. C'est superbe. Et j'ai appris à cette occasion que ces structures, ces figures, s'appellent des murmurations. C'est joli, non ? Oh, c'est très beau. Des murmurations. Et ces murmurations, elles sont créées par le comportement collectif des oiseaux. Il n'y a aucun oiseau qui, individuellement, n'a conscience de ces structures. Il n'y en a aucun qui décide de dessiner quoi que ce soit, évidemment. En fait, chaque oiseau décide de ce qu'il fait en observant en moyenne les 7 oiseaux les plus proches. Donc il va ajuster sa vitesse et sa direction comme ça. La murmuration, c'est une structure émergente de la dynamique collective, qui est issue de ces règles individuelles simples appliquées sur tous les oiseaux. Et donc ce que nous dit René, c'est que sur un réseau social, on est des oiseaux. Voilà. On a un comportement collectif, que ce soit pour des campagnes d'activisme, de trolling, pour des pubs, des trucs viraux, tous ces comportements viraux, en fait, ce sont des comportements collectifs qui émergent de ce que nous décidons de faire en fonction des autres comptes qu'on voit. Est-ce qu'on va retweeter, commenter, suivre le mouvement ? Et à notre tour, est-ce qu'on sera un oiseau qu'un autre verra et qu'il pourra suivre ? Le vol, donc, après, va se déployer et onduler comme ça sur Internet en propageant des vidéos rigolotes, des défis à la con, des infos importantes, des campagnes de charité, ou faire de gros dégâts, si c'est du harcèlement, c'est selon. Bon. Et si on est des oiseaux, et qu'on se dirige en fonction des autres oiseaux dans notre champ de vision, la question la plus importante, c'est comment sont déterminés ces oiseaux, les oiseaux qui sont visibles. Alors aujourd'hui, évidemment, ça fait longtemps que les critères classiques sur les réseaux sociaux sont déplacés. On voit plus seulement nos amis, la famille ou les amis d'amis. C'est fini, ça. De moins en moins, d'ailleurs. Voilà, les réseaux sociaux, depuis longtemps, ont épuisé le cercle amical étendu. Mais comme ils doivent quand même vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme, ils doivent maximiser coûte que coûte ton engagement pour te montrer le plus de plus possible. Et puis en plus, ils doivent te connaître au mieux. Ils doivent connaître tes goûts le mieux possible pour vendre plus cher le ciblage aux annonceurs. D'où les algorithmes de recommandation qui sont ultra sophistiqués, qui deviennent de véritables ressources stratégiques et des secrets industriels jalousement gardés. Tout le monde veut savoir comment on fait TikTok. C'est vraiment terrible. Et ces algos, ce sont eux qui structurent le réseau, topologiquement. Ce sont eux qui choisissent de vous montrer tel ou tel oiseau. Et donc, ce sont eux qui structurent les murmurations. Ce sont eux qui les créent, en fait. Ce sont, en vous montrant un post sorti d'on ne sait où, mais qui va à coup sûr te mettre en rogne, et tu vas répondre, et tu vas le partager à quelqu'un d'autre dont tu sauras qu'il va être en rogne aussi, et ainsi de suite. Et en fait, le contenu importe peu, finalement. Que ce soit un sujet vraiment sérieux, vraiment important, ou bien que ce soit un délire de QAnon ou un truc avec des pizzerias, aucune importance en fait, seul compte la dynamique. Un algorithme qui doit maximiser l'engagement, il gagne de toute façon, quel que soit le sujet. Il s'en fout du sujet. Donc, voire même si c'est de la désinformation qui fait rire et que tu veux la critiquer parce que tu prends beaucoup de recul dessus finalement. Tout ça, c'est le même résultat finalement. C'est le même résultat pour lui. Lui, il s'en fout du contenu. Se concentrer sur le contenu, ça revient à jouer à tap-top à l'infini, à être perpétuellement dans la réaction et avoir toujours un train de retard. T'as déjà essayé de disperser un vol d'oiseau ? Pas facile de disperser un vol d'oiseau. Hein. Mon fils qui a essayé. Mais... voilà, tu essaies de le disperser d'un côté, il se reforme instantanément plus loin parce qu'aucune action locale finalement ne peut neutraliser cette dynamique du système. Par contre, les algos créent les murmurations, ils peuvent donc les détruire, ou les prévenir, hein, les étouffer dans l'œuf, si j'ose dire. Il existe une littérature scientifique qui étudie les réseaux sociaux comme une dynamique de groupe, et qui pousse une vision systémique des problèmes qu'on y rencontre. Alors bien entendu, le souci, c'est que toucher à l'algo, ben, c'est toucher au cœur même d'un réseau social. Aucune boîte n'a intérêt à altérer son gagne-pain, pour qu'il marche moins bien, en tout cas de leur point de vue. D'où une importance capitale d'un encadrement extérieur. Un encadrement qui devra avoir un droit de regard et un pouvoir sur le fonctionnement des algorithmes. Cet encadrement extérieur. Tu parles de quoi ? De loi ? Je parle de la puissance publique, parce que nous sommes la puissance publique et on doit se défendre contre les intérêts privés, qui n'ont rien à carrer de notre véritable intérêt. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il faut se prendre compte que demander la transparence sur les algorithmes, c'est aussi se donner la possibilité d'altérer les dynamiques systémiques qui sont néfastes à la société entière. C'est beaucoup demandé, mais c'est peut-être important, voire fondamental pour le bien-être de la société. Ouais, quand je revois d'ailleurs ces mouvements d'oiseaux, je repense à chaque fois, bon, c'est pas directement lié aux réseaux sociaux, mais il y a des parallèles visuels à faire et comportementaux. Cette vidéo de la chaîne YouTube Fulloscopie, les effets spéciaux de Full au cinéma, où justement il parle de comment sont constitués les algorithmes qui essayent de reproduire justement ces mouvements de foule dans des films avec plein de zombies, des trucs comme ça. C'est très intéressant d'aborder la réflexion sur cet angle-là, Guillaume, et cet article, effectivement, est hyper intéressant. N'hésitez pas à le consulter, il est de toute façon en lien dans les notes de l'épisode. Je pense qu'on a fait le tour, Guillaume, sur l'actualité qu'on devait consacrer aux réseaux sociaux et à l'arrivée d'Elon Musk sur Twitter. En fait, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y a, allez, on va dire la moitié des choses qu'on a dites qui étaient approximatives dans cette rubrique et qui vont être contredites d'ici la semaine prochaine, et puis peut-être une autre moitié qui va être totalement nouvelle et qui va arriver et qui va compléter tout ce qu'on a dit. Donc bon, c'est un environnement assez changeant, vous l'avez compris, c'est ce qui rend évidemment le sujet aussi très excitant. On va donc passer à une rubrique beaucoup plus tournée sur nos bons vieux algorithmes, et tu vas nous emmener, Guillaume, tu nous emmènes prendre l'avion. Alors on retourne du côté des États-Unis, on retourne du côté de Washington, parce que Washington a une certaine forme de record, je parle bien de la ville, qui a un record du nombre d'algorithmes qui fait fonctionner la ville, tout simplement. Ouais, alors c'est un record, si, parce que bon, en fait, on connaît pas trop, finalement, c'est pas très connu, mais c'est vrai que... C'est vrai, il n'y a pas un indicateur objectif des algorithmes qui c'est font ça. Tourner les villes. Ouais. Ils ont vrai qu'ils en ont beaucoup. Alors les algorithmes sont présents partout, alors parfois ça se voit évidemment, comme sur TikTok, bon, ok, d'accord, mais parfois ça se voit pas du tout, et dans les municipalités qui décident d'en utiliser d'État, hein, pour un peu tous les aspects de la vie publique, ça se voit pas forcément. Et par exemple, à Washington, bah, y a l'Electronic Privacy Information Center, donc l'EPIC, qui a mis plusieurs mois pour dénombrer 29 logiciels qui prennent quotidiennement des décisions dans une vingtaine de départements. Par exemple, pour sélectionner les futurs résidents, prédire les criminels récidivistes, les lycéens qui sont susceptibles de décrocher, etc. Il y a plus du tiers de ces algos qui rendent des verdicts d'ordre judiciaire, quoi. Voilà, des jugements de tribunaux, ce genre de trucs, quoi. Et dans la majorité des cas, il n'y a pas beaucoup de détails sur le fonctionnement de ces algorithmes, et qui sont souvent d'ailleurs des logiciels qui sont faits par des boîtes privées. Enfin, c'est très opaque. Et donc voilà, et puis en plus d'être opaque, l'EPIC n'a pas forcément tout trouvé, quoi. Donc c'est pas incroyablement surprenant, hein. Les exemples d'algos qui se viandent dans des domaines aussi sensibles que la fraude aux allocations au chômage, ça c'est des trucs qui resurfacent facilement dans la presse et qu'on voit passer très rapidement. Et ça montre que les logiciels sont utilisés un peu partout, même pour des sciences très délicates, et qu'il y en a très probablement énormément qui passent totalement sous les radars. Peut-être parce qu'ils font bien leur job, hein, je sais pas. Dans tous les cas, il y a beaucoup qui sont utilisés et pas forcément à bon escient. Il y a l'université de New York et Stanford. Stanford qui est un peu la star de ce podcast, hein, je m'en compte, spécial dédicace à Stanford, on te fait des bisous, Stanford. Donc elle et NYU donc, ont montré que la moitié des agences gouvernementales utilisaient des logiciels d'aide à la décision, ce qui veut dire que les critères de décision sont plus ou moins totalement opaques, en fait. Hein, parce que quand t'as des logiciels comme ça, qui sont encore une fois souvent des logiciels privés, bah, bon. Donc souci double. Donc, parce que, double pourquoi ? Parce que, Aujourd'hui, on utilise pas mal de... Enfin, tous ces logiciels-là, c'est encore pas mal traditionnel, quoi. Hein. Donc voilà, c'est des algorithmes normaux, voilà, écrits en ce que vous voulez. Et on a déjà le problème de la transparence de ce qu'ils font quand ça concerne la vie publique. Mais demain que la plupart seront remplacés probablement par des algorithmes de machine learning, des intelligences artificielles dont il est notoirement très difficile, voire impossible de remonter le chemin décisionnel, ben ça va être coton, hein. C'est des futurs algos qui seront entraînés sur des datasets monstrueux, qu'il faudra analyser, des IA qui seront peut-être efficaces, oui, mais qui auront aussi des failles, et ça c'est sûr. Et d'ailleurs, un exemple récent, c'est la cata de Katago. La Katago, c'est un peu une sorte d'AlphaGo grand public et open source, enfin c'est un peu rapide comme résumé, mais c'est effectivement ça, c'est un logiciel qui joue au Go. Katago, c'est un logiciel qui joue au Go, il joue très bien en utilisant une IA de deep learning hein, qui s'est entraînée contre elle-même sur des millions de parties, comme AlphaGo. Rien de nouveau là-dessus. C'est ça, comme AlphaGo. Elle est peut-être pas aussi forte qu'AlphaGo, mais elle gagne contre des grands maîtres et elle est exécutable sur un PC voilà, de particulier, quoi. Voilà, c'est mieux si vous avez une GPU, mais enfin, moi, ça marche en tous les cas. Et en général, ça marche, parce qu'en semaine dernière, des chercheurs ont publié un article où ils montrent comment un petit programme tout nul a réussi à gagner contre lui. Alors, la technique est un peu fourbe. En fait, le logiciel tout nul, il va se forcer à jouer dans un coin du plateau, mais vraiment tout dans le coin. Et il va pas trop lutter pour le reste. On placer des petites pierres comme ça un petit peu de temps en temps, mais il va pas trop lutter pour le reste du plateau. Et du coup, Katago, lui, il va penser qu'il a l'avantage. Et à tort, en fait, parce que même s'il semble avoir un avantage territorial colossal, ben, il a pas vraiment sécurisé les trucs. Du coup, le but, c'est de le pousser à passer son tour à un moment. Et s'il passe son tour à un moment, ben, le joueur tout nul, lui, il passe aussi son tour, et quand les joueurs passent leur tour, ben, c'est, la partie est finie, et donc on décompte les points. Et là, Katago, eh ben, Katago, il est là dans le baba, parce qu'il va perdre, parce que le territoire qu'il avait l'impression d'avoir, ben, il n'est pas compté, en fait, dans les points. Donc, c'est une technique fourbe, et qui a aucune chance de gagner contre un joueur humain, en fait, hein, parce qu'un joueur humain, un minimum expérimenté, il va très bien voir qu'il ne va pas passer son tour, parce qu'il va très bien voir qu'il n'est pas vraiment en position de force. Mais ce truc-là, enfin, cette technique à la con, là, elle fout par terre un truc qui est considéré comme surhumain, ou quasiment comme Katago. Pourquoi ? Ben, c'est un peu comme quand on parlait des IA de reconnaissance optique. C'est qu'ils sont complètement confuses. J'allais réévoquer le sujet quand elles sont complètement paumées, alors que tu fais juste un petit détail et elles se gourrent complètement dans l'identification du fruit ou de l'animal. Tu fais un motif de couleur improbable sur une image et le truc ne comprend plus rien. Ou tu écris banane sur une pomme et du coup le truc ne sait plus si c'est une banane ou une pomme, il est complètement perdu. Bon. Donc en gros, on sait comment fonctionne le modèle et on sait aussi quelles sont ses faiblesses. Et ça va par exemple être dans son dataset, ou plutôt dans ce qu'il ne contient pas, ce dataset. C'est une configuration qui sera vraiment très différente de toutes celles sur lesquelles il s'est entraîné. Ben, ça va vraisemblablement lui poser beaucoup plus de problèmes. Et donc il sera moins efficace dessus, et c'est potentiellement une faiblesse à exploiter. Dans le cas de Katago, on peut être sûr qu'il a vu très peu de parties où l'adversaire se cantonne strictement à un coin du plateau. Donc là, il est moins sûr de lui là-dessus, quoi. Il relâche sa garde et là, paf, voilà, hop, derrière la nuque. Et la méthode pour exploiter la faiblesse de Katago, évidemment, elle n'est pas particulièrement originale, en fait, et elle s'étend à toute forme d'IA, finalement. Aussi puissante qu'elle semble être, toutes les IA ont des faiblesses, et c'est vital d'en tenir compte. C'est vital parce que, comme elles conduisent des bagnoles, maintenant, tu vois, le truc, c'est vital, quoi. Est-ce qu'un des enseignements, ce serait de dire, à partir du moment où on a un résultat bluffant par une intelligence artificielle, il n'est pas surfait que de refaire intervenir un peu de créativité humaine pour challenger en permanence ces algorithmes? C'est super important. C'est-à-dire qu'il faut toujours, je pense qu'il faut même instaurer des protocoles dans lesquels on teste toujours le pire possible des cas. Et il faut donc déterminer quel est le pire possible des cas en fonction de l'algorithme, de comment il fonctionne et du dataset sur lequel il a été entraîné. Et là, on saura à peu près quel est le pire des cas. Il faut tester sur le pire des cas. Il faut absolument tester sur toutes les catastrophes monstrueuses qui puissent arriver. Si je me rappelle bien de mes cours à l'IUT à l'époque en informatique, on m'avait vraiment sensibilisé dans l'importance du développement applicatif, du rôle du test, quoi. Et le développement par le test est évidemment quelque chose d'assez connu. J'ai le sentiment effectivement que tout ce qui tourne autour de ces algorithmes d'intelligence artificielle, de par leur nature, rend évidemment les tests plus compliqué, mais d'autant plus important. Donc, une orientation à retenir, très importante. On continue à parler de nos algorithmes d'intelligence artificielle qui nous bluffent, mais qui nous laissent un petit peu aussi pantois, et tu l'as très bien illustré avec le sujet autour du Go, mais on va reparler un petit peu de Copilot. Je vous rappelle, hein, c'est cet algorithme qui aide les développeurs à faire, bah, en gros, de l'autocomplétion. Hein. C'est comme sur votre clavier de smartphone, vous tapez les premières lettres, vous avez la suite qui peut vous être suggérée avec des mots, avec plus ou moins de succès. Eh bien, Copilot, c'est un peu le même principe, mais pour du code informatique. Voilà, et vous avez, enfin, peut-être que vous vous souvenez de la dernière news que j'avais donnée où le Copilot donc, pouvait recracher tel quel du code copyrighté. Et oui. Que des auteurs, d'ailleurs, de ces codes l'avaient repéré, il avait demandé des comptes à Microsoft. Et bon, vous l'avez eu, ce code? C'est ça. Mais tiens, c'est bizarre quand même, hein. Je reconnais très exactement ma routine. Et donc, il n'y avait encore rien d'officiel à l'époque, parce que voilà, ils discutaient, quoi. Mais bon, il n'a pas de chance, Microsoft. Hein. Il y a des développeurs qui sont aussi avocats, comme Matthew Butterick. Et donc, Butterick et pas Picklerick, hein, rien à voir. Et bon, cette fois, ça y est, GitHub, OpenAI et Microsoft sont désormais accusés de violation de licence open source par une class action qui demande des dommages et intérêts. Et combien de dommages et intérêts? 9 milliards. Beaucoup. De dollars. Ah oui, c'est beaucoup. C'est donc beaucoup. Je pense qu'on peut dire que c'est beaucoup. Ouais. Alors, ils arrivent à ce chiffre en multipliant 2 500 $ par violation par les 3,6 millions d'utilisateurs de Copilot depuis ses premiers tests. Ouais, une estimation. Ouais, c'est intéressant, c'est argumenté au moins. C'est pas un chiffre qui sort de la cuisse de Jupiter. Tout à fait. Les 2 500 $ d'amende sont liés au DMCA, le Digital Millennium Copyright Act, qui interdit la suppression des informations relatives à la gestion des droits d'auteur. Ce que fait évidemment Copilot, puisqu'il ne donne pas l'auteur. Hein. Il oublie complètement, il ne sait pas. Donc, le DMCA, c'est pas le seul d'ailleurs, c'est pas le seul angle d'attaque. Il y a aussi le California Consumer Privacy Act. Donc ça chauffe pour Microsoft parce que c'est vrai que le cas risque d'être difficile à défendre. Parce qu'en l'état, Copilot crache verbatim du code couvert par des licences, diverses licences, c'est indéniable. Donc ça va être très intéressant à suivre. Ouais, vraiment un sujet un peu récurrent et un peu fil rouge dans nos sujets autour des algorithmes. Alors très OpenAI, Guillaume, à la fois labo de recherche et venture capitaliste. Complètement. Eh ben, OpenAI, il compte pas s'arrêter lui en si bon chemin, je veux dire, après Copilot. Ils vont même devenir des sortes de business angels de l'IA. Et donc ils ont créé un fonds de 100 millions de dollars qui s'appelle Converge. Et qui va aider des startups prometteuses du secteur avec quelques millions, voilà. Et puis un accès aux ressources technologiques d'OpenAI, lesquelles d'ailleurs sont soutenues par Microsoft et son cloud Azure. OpenAI devient donc presque un incubateur de startups exclusivement tourné vers l'IA, hein, ce qui n'est pas si courant, même si le sujet est très à la mode. Il est tellement à la mode que l'évaluation d'OpenAI est déjà de 20 milliards, et qu'il y a des appels de fonds encore récents, hein, pour des centaines de millions sur centaines de millions, 100 millions encore récoltés par les créateurs de Stable Diffusion, Stability AI. Il y en a 200 pour Cohere, qui est une boîte qui fait du langage naturel, du traitement du langage naturel. 225 pour Inflection AI, 580 pour Anthropic, qui est un labo de recherche fondé par un ex-vice-président d'OpenAI, donc voilà, c'est une petite grande famille. Donc on voit bien la tendance, l'IA, elle est sortie des labos, il y a eu voilà, 10 ans où elle s'est bien bien sophistiquée dans les labos, voilà, mais là maintenant ça va devenir une sorte de commodité, quoi. Donc il y a des API, ça va devenir des API un petit peu que tout le monde pourra utiliser, c'est l'idée, moyennant finance éventuellement, par exemple hein, DALL-E 2, qui a désormais son API officiel. Donc n'importe qui peut intégrer de la génération d'images dans son app, comme il veut, en ne faisant appel à l'API DALL-E 2, mais ça coûte 2 cents par image en 1024 par 1024, c'est un peu moins cher en résolution inférieure. Faut bien payer les factures, hein. Oui. Faut savoir 8 $. Pardon. Voilà, 8 $. C'est exactement ça. C'est exactement pareil. Donc, après, entraîner un modèle comme celui de Stable Diffusion, par exemple, ça coûte quand même d'aller 600 000 $ en frais de calcul. Ouais. Alors, évidemment, le fait que les sociétés de demain. La société de demain, notre société, sera sans doute refaçonnée aussi par tous ces nouveaux logiciels. Un logiciel dont la mise au point sera extrêmement chère, tellement chère qu'elle sera à la portée que de grosses boîtes, hein, donc, voilà, et de leur protéger. Donc, ça fait un peu réfléchir quand même, hein, le fait que ça coûte 600 000 $ de créer ce genre de truc, c'est quand même bon. Ouais, avec des résultats quand même bluffants, hein, on ne s'en lasse pas, je pense, durant les derniers mois de Tech Café d'en parler. Et d'ailleurs, on va continuer, tiens, au passage, juste pour dire que la nouvelle version de Midjourney est vraiment bluffante. Je trouve qu'il y a encore des records de génération d'images. Tu sais, avant, il y avait quand même la génération des mains et des bras qui était vraiment très hasardeuse. T'avais vite des personnages difformes. Là, c'est beaucoup plus réaliste. Donc, on voit que ça progresse encore et que ça va pas s'arrêter de progresser. Et va y avoir des nouveaux acteurs, et pas des moindres, Guillaume, parce que dans le monde dans le club très select des myriages dont on parle dans Tech Café, il va y avoir Google, Guillaume. Ben oui, les grosses boîtes qui ont assez de fric pour entraîner ce genre de truc et travailler dessus, ben voilà, ils ont évidemment toutes les grosses boîtes, voilà, comme Google, bien entendu, ont leurs algos, leurs labos, et ils se battent, hein, pour ce futur marché donc de l'IA à des trillions de dollars, n'en doutons pas. Donc dans la bande, ce Google, il est un petit peu plus timide que Microsoft, hein, bizarrement, puisqu'il a un générateur d'images lui aussi, bien sûr, qui s'appelle Imagen, qui a l'air très bien pour le coup, mais pour lequel il ne donne qu'un accès très limité, bizarrement, via AI Test Kitchen. Donc tu peux faire des variations sur quelques thèmes prédéfinis. On est très loin de DALL-E ou de Midjourney ou de Stable Diffusion, qui est carrément complètement open, quoi. Par ailleurs, Google utilise son modèle de langage Lambda aussi pour propulser un outil d'assistance à l'écriture de romans, voilà, d'histoires, je ne sais pas trop. Ça s'appelle Wordcraft. Wordcraft, c'est un éditeur de texte qui peut écrire tout seul des histoires, hein, à partir de prompts, hein, toujours, ou décrire un objet, ou reformuler des phrases, tu vois, ce genre de truc. Alors, il est pensé comme une sorte d'assistant de co-auteur intégré à l'éditeur de texte. Un concept qui n'est pas vraiment nouveau, hein, puisque NovelAI fait déjà ça depuis plusieurs mois. Jasper, il pisse de l'article de blog à la demande, hein, même avec un petit esprit marketing en prime. Grammarly peut corriger le style et l'orthographe, hein, et même reformuler des phrases. Donc, Wordcraft, d'après le test que j'ai lu, il fonctionne, hein, mais il n'est pas non plus extraordinaire. Tu vois, enfin, quiconque a déjà utilisé un petit peu ce genre d'algo ne sera pas surpris de trouver à peu près les mêmes travers que d'habitude, quoi. C'est un sens de la continuité assez fragile. Un style qui n'est pas toujours au niveau d'Honoré de Balzac, hein, une cohérence souvent aux abonnés absents, quoi. C'est-à-dire le truc qui dit, il sort des phrases et qui sont ok, d'accord. Il est globalement dans le sujet, mais enfin bon. Le gars, il parlait c'était une histoire avec des pingouins. Et le truc, il a sorti une histoire avec des pingouins, il parlait des bébés pingouins alors que les œufs n'avaient pas encore éclos, ce genre de truc. Enfin, montrer qu'en fait, le modèle ne comprend pas ce qu'il fait, que ça pose quand même un petit souci quand tu veux écrire une histoire. Donc, voilà, c'est vrai. Mais bon, après, un domaine où l'IA est quand même super utile, c'est la traduction de texte, hein, bien entendu. Mm-hmm. Et dans ce domaine, les grosses boîtes, elles rivalisent d'ambition, puisque après Meta, qui a lancé son initiative, on en avait parlé, je crois, No Language Left Behind, donc qui avait intégré plus de 200 langues, quand même. Microsoft, et bien voilà, aussi, hein, tu te souviens de celui-là solution, je crois. Pardon. Je pensais à Microsoft, qui avait aussi, on avait abordé des super solutions de leur côté, il me semble. Oui, ils y vont tous, mais je crois qu'ils ne sont pas forcément à plus de 200 langues. Meta est à 200, donc, et là, Google renchérit avec un modèle à 400 langues et il veut monter jusqu'à 1000 langues. Oh, et ouais, et alors j'ai appris même lors de... les patois charentais qui sont pratiqués par 3 personnes vont être pris en compte. Tu sais que j'ai appris, donc pour la préparation des podcasts, là, qu'il y avait dans les 7000 langues parlées dans le monde. Oh, ça me paraît fou. Je suis stupéfait. Moi, je ne pourrais pas en citer, je ne sais pas, une trentaine, quoi, une cinquantaine, peut-être grand max. Il y a 7000, ça veut dire délire. Que la moyenne de langues par pays est énorme, en fait. Il y a certains pays c'est un concours du plus grand nombre de langues possible. Ah, c'est dingue, ouais. Non, c'est vraiment impressionnant, quoi. Mais bon, enfin, 1000 langues, ça fait quand même déjà du monde, hein, surtout pour un modèle unique. Hein. Et on pourrait d'ailleurs se demander s'il ne faudrait pas en faire plusieurs, parce que pourquoi tu fais 1000 langues sur un seul modèle? Parce que c'est ça, un seul modèle pour toutes les langues du monde, ou pas loin, quoi. Donc on a l'impression que, pour l'instant, on fait un concours de qui est la plus grosse, mais en fait, c'est pas que ça. En fait, faire un seul modèle pour vraiment beaucoup, beaucoup de langues, ça lui permet à ce modèle d'identifier des analogies, des similarités structurelles entre les langues. Parce que séparer les langues les unes des autres, si tu réfléchis bien, linguistiquement, ça n'a pas de sens, en fait. Parce que les langues, elles évoluent les unes à partir des autres, elles se mélangent, elles se fécondent entre elles, si tu veux, tu vois. Et donc, un modèle qui connaît 100 langues, en fait, traduit mieux les langues rares qu'un modèle qui n'a été entraîné que sur le petit corpus existant de la langue en question. Tu vois, parce que les structures apprises sur un langage peuvent être utiles sur un langage différent et donc compenser un manque de données. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent faire un super modèle. Ouais, ça les rend extrêmement souples, finalement, pour s'adapter aux évolutions. Et effectivement, ce serait une erreur que de considérer que les langues ne bougent pas, bien loin de là. Bon, là aussi, je vous recommande une autre chaîne YouTube, Linguisticae, qui est vraiment très intéressante sur le sujet. Pareil, Guillaume, on va conclure du coup sur la rubrique des algorithmes. Qu'est-ce qu'on se devait de relayer à nos auditeurs? Y a deux gros trucs. Alors, les modèles, un truc encore sur les modèles de langage, enfin, j'ai vu passer un truc rigolo, d'ailleurs, encore au passage, c'est... Du côté de Meta, j'ai l'impression que tu vas dire du bien de Meta, non? Ouais, mais pour de... Oui, là, vraiment, là, carrément, je vais carrément dire du bien de Meta. Cela dit, je fais une petite parenthèse, mais je me suis fait la réflexion en voyant cet article hier, que, en fait, Meta, quand on en parle sous l'angle de l'intelligence artificielle, on en dit rarement du mal, quand même. Hein. Ah, mais non, mais c'est quand même un élément très, très fort. C'est un fer de lance très qualitatif chez Meta, il faut le reconnaître. Ah oui, non, mais complètement, complètement. Et là, ils ont utilisé un modèle de langage pour un truc relativement intéressant. Alors, les modèles de langage, ça peut servir à tout. Ça peut servir à traduire des langues, à produire du code, à faire discuter deux chatbots à l'infini. Hein. Surtout s'il incarne des personnalités comme Werner Herzog et Slavoj Žižek, je sais pas. Enfin, moi, c'est un philosophe slovène obscur. Et c'est pas une blague, hein. Ça s'appelle The Infinite Conversation, et quand j'y suis allé, j'ai eu droit à un dialogue audio, parce qu'en plus il y a l'audio, en anglais avec un fort accent allemand qui portait sur le porno et le sexe sur Internet. Je vous jure que j'ai rien demandé. Je vous jure que c'est véridique. Ça s'impose à toi maintenant. Écoute, et c'était une discussion totalement crédible. Enfin, c'était vraiment bizarre. On y apprend que le philosophe a du mal à écrire des bouquins parce que maintenant avec Internet, parce qu'il a du mal à résister au porno. Du coup, bah, il discute jusqu'à la fin d'être avec son pote. Mais il dit aussi, véridique, hein, toute personne qui veut apprendre quelque chose sur l'histoire de la philosophie devrait regarder du porno. Voilà, il y a quelque chose de fascinant quand même. Avoir se déverser. Il faudrait voir si au moment où vous écoutez cet épisode et vous vous rendez à nouveau sur infiniteconversation.com, vous avez à nouveau ces deux philosophes qui dialoguent encore et toujours de porno, parce que là, pour le coup, ça voudrait dire quand même que tout ne tourne qu'autour de ça. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas beaucoup, en fait. Mais c'est vraiment fascinant de voir ce truc se déverser, ce flot de discours, parce que finalement, c'est aussi une relativisation, quoi, de la valeur du discours, de la parole. On peut parler indéfiniment, sans intentionnalité réelle. Hein, qu'est-ce que ça dit, quoi, tu vois, est-ce qu'on dit quelque chose, du coup, quelle valeur ajoutée? Il y a un article de blog qui a été écrit par une machine sur un prompt de 4 mots. C'est déjà possible, hein, Jasper le fait. Hein. Quelle valeur ajoutée à tout ce flot de texte qui va se déverser, qui se déverse déjà, d'ailleurs, d'une certaine manière, sur Internet, quoi. Comme le flot d'images, d'ailleurs. Hein. Tout ce flot d'images magnifiques fait par Midjourney, voilà, qui se déverse sur Lexica, là, qui se nourrit lui-même, d'ailleurs, Lexica, en inspirant des millions d'autres images. Je sais pas, si le texte et l'image peuvent se synthétiser avec autant de volume et de sophistication, c'est vrai qu'il faut chercher le sens, quoi, tu vois. La valeur ajoutée sera l'intention, le sens, mais il faut espérer qu'ils ne soient pas noyés, je sais pas. Bon, enfin, on n'est pas dans le café philo. Ouais, non, mais en plus avec des différences et de la créativité à chaque nouvelle image qui est finalement bien moindre. Mais enfin bon, oui, t'as raison, mettons de côté la philo. Ouais, on n'est pas de café philo. Bon. Donc les modèles de langage peuvent être adaptés à faire des trucs qui ont a priori rien à voir, comme de plier des molécules en particulier. Alors, Meta a créé un modèle avec 15 milliards de paramètres qui s'appelle le SM2 et qui peut prédire la structure des protéines. Donc vous vous souvenez peut-être d'AlphaFold, qui lui aussi prédisait la structure de 200 millions de molécules. Ben, ESM va plus loin avec 600 millions de molécules prédites. Et ce qui est intéressant, c'est que ESM a une approche différente de celle d'AlphaFold. C'est un grand modèle de langage. Donc comme lui, il discute... Alors, il y en a qui discutent de porno, hein, de modèle de langage. Il y en a qui traduisent du tunisien au ourdou. Et lui, en gros, il traduit la formule d'une molécule en une structure 3D. Et ça marche très bien, c'est 60 fois plus rapide qu'AlphaFold. Donc sur une seule GPU, alors V100, donc une GPU relativement ancienne en fait, ça prend 14 secondes pour plier un truc de 384 acides aminés. Alors un acide aminé, c'est déjà facile, une bonne grosse douzaine d'atomes, voire plus. Hein. Donc ça fait quand même des molécules bien fat, hein, déjà 384 acides aminés. Hein. Et donc on l'a déjà dit, mais voilà, encore une fois, l'évolution de ces outils en chimie, en biochimie, ben c'est super important parce que c'est potentiellement des nouveaux médocs, des nouveaux traitements, voilà, des nouveaux matériaux, etc. etc. quoi. Fascinant. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on redécouvre ce même schéma de rubrique avec le point sur les algorithmes d'intelligence artificielle myriage d'images génératives. Et on voit en plus des mises en application des algorithmes d'intelligence artificielle sur des domaines assez... annexe. Mais je ne peux pas ne pas parler de Meta encore une fois parce que. Ah, c'est pour une fois qu'on en dit du bien en plus, mais continuons. Mais attends, mais sans déconner. Oui, une histoire de compression de musique en plus. Absolument, Meta, toujours très très Meta cette semaine. Ils ont annoncé un nouvel algorithme de compression d'audio qui serait 10 fois meilleur que le MP3. Alors, je sais. C'est fort quand même. Alors je sais que le MP3 c'est quand même un peu vieux, hein, et que Org Vorbis, AAC ou Opus font bien mieux. D'ailleurs, en aparté, Opus est un codec qui est très sous-utilisé, c'est dommage, hein, il est libre, il est même un peu meilleur qu'AAC, donc il est au moins deux fois plus efficace que MP3, quoi. Mais bon, bref, si les successeurs de MP3 font mieux, ils font pas 10 fois mieux. 10 fois mieux, c'est un truc de fou. On avait évoqué un début de travaux là, qui utilisait Stable Diffusion pour compresser les images, mais c'était pas aussi spectaculaire, et surtout c'était pas très pratique d'un point de vue, voilà, occupation de disque, les calculs, tout ça, mais là, si on en croit l'exemple qui est donné, un débit de 6 kilobits par seconde suffirait à reproduire une musique avec une qualité qui soit assez proche de celle du morceau initial. C'est fou. Opus, qui fait partie du comparatif, est complètement terrassé, j'ai mal pour lui. Le pire de tout, c'est que la compression et la décompression se fait sur un seul cœur CPU. Un CPU standard, quoi, sans avoir besoin de matos super puissant. Alors la clé, c'est dans l'optimisation de la représentation du morceau. Donc, en gros, un MP3, la base est fixe. Un Opus en MP3, c'est la base de Fourier essentiellement, quoi, qui est utilisée. Alors, c'est super efficace, hein, mais manifestement, on peut faire mieux. Alors, l'encodage se fait en créant une représentation du morceau qui est compressé environ les données qui ont le moins de poids. Ça, c'est vrai que ça ressemble à ce qui est fait avec MP3, tout simplement. Mais le pas supplémentaire, c'est d'avoir un décodeur qui s'entraîne à, d'avoir un algorithme qui s'entraîne à recréer le mieux possible le morceau avec les données qu'il a. Et pour ça, il va jouer au chat et à la souris avec un modèle discriminateur qui va juger de la qualité. Et si le, si le discriminateur ne voit pas de différence ou très peu, ben c'est gagné. Voilà, donc on optimise le codage perceptuel, en fait. Dans le cas du codec de Meta, on optimise au, au mieux la représentation perceptuelle, en fait, du morceau, alors que la prise en compte perceptuelle, c'est-à-dire de l'oreille humaine, elle est fixe pour le MP3. Donc là, alors que là, elle est optimisée. Et donc, c'est un résultat qui est spectaculaire et qui est le fruit du travail de recherche de quatre chercheurs de FAIR, donc le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook, et dont trois Français. Et c'est pas fini d'ailleurs. Ils pensent qu'ils peuvent faire encore mieux. Hein, ils veulent s'attaquer au son spatial. Et donc, ouais, le deep learning appliqué à la compression, c'est super prometteur. 10 fois mieux pour l'audio. T'imagines s'ils arrivent à ce genre de résultats pour les images, pour la vidéo, c'est transformatif. Imagine la quantité de vidéos 4K que YouTube doit gérer pour les infrastructures. S'ils arrivent à ce genre de truc, mais c'est une économie de fou furieux que ça va occasionner. Quand on sait que le poids du réseau qui est occupé par des services comme Netflix, par exemple, on en avait parlé à l'époque des confinements, ça avait été mis en lumière, ça changerait la donne. Et c'est marrant, je touche du doigt ce sujet qui me semble tellement révolutionnaire que on va pas le voir mis en application dans notre quotidien. Soit du tout, soit pas de sitôt. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai cette impression, Guillaume, et puis rien ne nous permet, Moi, je suis persuadé que... Alors, évidemment, attention, tout ce que je dis, il y a un article qui est accessible librement, il y a un programme qui est accessible librement aussi. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de produit. Voilà. Il n'y a pas d'algorithme, de produit ou d'API qui seront disponibles tout de suite. C'est pas utilisable en ça l'état. Ça sera... En l'état, si tu veux, c'est pas un truc finalisé. Mais il n'y a aucune raison que ça ne soit pas mis en pratique dans les années qui viennent. Et à mon avis, avant la fin de la décennie, ça sera utilisé. Je ne vois pas pourquoi. Hein. T'imagines le gain ? Ouais, ça ou une variante ou un truc comme ça. Spotify, il est intéressé, je crois. Oui, je pense. Ouais. C'est assez probable qu'ils ont tout intérêt à l'utiliser. Enfin, ouais, je pense notamment à de la vidéo. J'imagine que là-dessus, ça doit être énorme. Merci Guillaume pour cette revue autour des algorithmes qui nous éclaire à chaque fois tant. On va conclure en beauté cet épisode et comme le veut la tradition avec une rubrique jeux vidéo parce que tu t'es penché sur la saisonnalité, c'est les cartes Radeon. Guillaume, quelle est l'actu du côté des Radeon? Eh bien oui, Nvidia a ouvert le bal des GPU de 2022 et voilà, AMD rentre dans la danse avec ses Radeon 7900 XTX et 7900 XT pas X. Que ce soit en termes de consommation, de prix ou de puissance brute, AMD semble pas suivre le concurrent, quoi, clairement. Et c'est compréhensible en fait, hein, puisque d'ailleurs c'est peut-être pas plus mal, puisque là je suis allé voir chez LDLC cet après-midi, une 4090 et 2000€, hein, donc bon. Ah! Et quand même, ça oui. Plombe un peu le budget du PC gamer. Ouais, ouais. C'est difficile. Donc AMD ne cherche pas cette niche de pro ou de gamer un peu bourgeois, mais un segment un peu plus mainstream avec des cartes qui sont à 1900$. Et c'est le très haut de gamme, donc il n'y a pas plus haut, quoi. Et bon, alors qu'évidemment, chez Nvidia, en dollars, c'est quand même 1600$ et 1200$. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup trop d'euros. De fait, la 7900 XTX a quand même 58 milliards de transistors contre 76 milliards pour la 4090. Alors, évidemment, c'est pas forcément une comparaison très pertinente, mais enfin, ça donne une idée. La carte de Nvidia revendique 83 teraflops et la Radeon 61. Donc la 7900 XTX se positionne un peu au-dessus de la 4080, qui alignerait 53 teraflops. Donc voilà, un petit entre les deux, on va dire. Une 7900 XTX soit à 1000$, donc elle serait quand même donc moins chère et plus puissante qu'une 4080 à 1200. Alors bien sûr, tout ça est très schématique, hein, il faudra des tests des vrais jeux pour voir, hein, ça c'est sûr, et puis ça prend pas en compte non plus les fonctionnalités comme le ray tracing, les tensor core, etc. Bon, voilà, dans ce domaine d'ailleurs du ray tracing, donc ce sont les premières cartes en RDNA 3, donc c'est une nouvelle architecture, qui aura a priori un doublement des performances sur les cœurs, que ce soit un shader comme en ray tracing, et ça arrive, enfin, il y a une accélération pour l'intelligence artificielle qui arrive. Alors, ce serait une réponse au Tensor Core de Nvidia, sauf que AMD dit que c'est uniquement pour les jeux, donc c'est assez flou. Et AMD est assez avare de détails sur ses unités IA, et je ne sais pas exactement ce qu'elles font ni comment, en fait. Donc, bon, enfin, c'est jamais bon signe quand il y a aussi peu de détails, quand même. Enfin, ouais, c'est vrai, mais bon, c'est une nouveauté, ça manquait, donc écoute, on verra, je ne sais pas. Les Radeon sont notoirement aussi plus lentes en ray tracing que les RTX, hein, donc les RDNA 3 sont à 50% meilleurs, Même avec ça, il est peu probable que ce soit au niveau de GeForce 4000, c'est même mort. Je suis pas sûr que les 3000 soient à sa portée, mais c'est pas, voilà, pas impossible. En tout cas, c'est toujours ça de prix. AMD recherche clairement la palme de la performance par watt et de la performance par dollar. Et à mon avis, je pense qu'ils l'ont sans aucun problème. L'efficacité énergétique est d'ailleurs 54% meilleure que pour la génération précédente. Et c'est notablement le premier GPU grand public qui est modulaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, au niveau performance par watt et par dollar, ils sont aussi bons. C'est qu'ils utilisent deux procédés de gravure pour la puce. En fait, ils utilisent donc ce qu'on appelle les procédés des chiplets pour graver des dies différents avec différents processus et après les réunir dans une même puce, quoi. Alors, pour graver les processeurs de calcul, ils utilisent le 5 nanomètres, qui est donc, c'est là qu'il faut le plus d'efficacité, donc là, ils utilisent vraiment le truc à fond. Et pour les mémoires cache, qui quand même prennent beaucoup de place, ils utilisent du 6 nanomètres, qui est moins cher. Donc ça permet, en moyenne, d'économiser qu'en fait, en réservant les process top niveau au calcul, là où c'est essentiel. Donc la XTX, elle a 6 die de cache, indépendant, donc ça agrège un bus de 384 bits, et pour 24 gigaoctets de GDDR6, AMD ne passe donc pas à la GDDR6X, qui est plus cher, et apparemment sans trop de dommages, puisqu'apparemment au niveau des performances, il n'y a pas énormément de changements. Alors la XT tout court, hein, parce que la XT est un tout petit peu moins puissante, elle n'a que 5 die, 320 bits, et donc 20 Go de RAM, et 84 compute units contre 96 pour la XTX. Donc voilà un petit peu, c'est la différence, 4080, 4090, quoi, globalement. Hein. Donc côté conso, la XTX reste sous les 355 watts, et la XT sous les 300 watts. Ça reste beaucoup quand même, hein, mais c'est quand même plus raisonnable que 450, tu vois. les Radeon intègrent aussi des options tout confort, hein, comme le décodage et encodage simultané de la V1, et surtout le support du DisplayPort 2.1, un truc qui inexplicablement n'est pas sur la 4090, alors que cette carte semble complètement faite pour les très hautes fréquences de rafraîchissement. Or, que très hautes fréquences de rafraîchissement ne soient pas accessibles au DisplayPort 1.4, donc c'est très très étrange. Donc le 2.1, rappelle-moi, l'opportunité, c'est notamment d'avoir des fréquences de rafraîchissement particulièrement élevées. Oui, en très haute résolution. Oui. Le débit permet d'avoir du 4K en 120-240 Hz, ce genre de ou plus, et peut-être probablement un plus. 480 Hz, a priori, ça me paraît dingue, mais ouais, 8K voilà, jusqu'à 165 Hz, ça me paraît vraiment, complètement fou. C'est du 8K. En gros, il n'y a plus de limite, si tu veux, sur les fréquences de rafraîchissement, alors qu'il y en a c'est quand même. C'est plus perceptible au bout d'un moment. Oui, voilà, je pense qu'en gros, tu libères les trucs, quoi, tu vois, c'est complètement débridé. Alors que la 4090, il n'est pas impossible qu'il y ait dans un ou deux ans des écrans qui risquent d'être limitants. Enfin, ça risque d'être limitant pour des écrans de dans un ou deux ans. C'est un petit peu dommage. Enfin bon, voilà. Donc, bien entendu, AMD a aussi présenté sa solution d'interpolation d'image, hein, FSR 3, en réponse au DLSS 3. Dont on a beaucoup parlé hein, les semaines précédentes. Donc, voilà. On rappelle le principe, peut-être, c'est les algorithmes qui permettent de combler aux lacunes qu'on pourrait avoir dans les évolutions technologiques et d'arriver à améliorer les performances en termes de fréquence ou en termes de qualité d'affichage par intelligence artificielle. Bah oui, simplifier. Mais... Alors, FSR2, donc comme DLSS2 s'intéresse uniquement à la résolution de l'image, FSR2 est très nettement meilleur qu'FSR1 parce qu'il intégrait donc une composante temporelle, c'est une interpolation spatio-temporelle. FSR3, lui, comme DLSS3, rajoute carrément des images. C'est la même chose globalement que DLSS3. C'est-à-dire on double le nombre d'images par seconde en interpolant une image entre deux images calculées. Donc on a une image calculée, avec une image interpolée. Avec les mêmes effets de bord, est-ce que ça peut rajouter de la latence ? Difficile à dire. C'est très probable que c'est exactement les mêmes problèmes que DLSS3. Franchement. Bon, on attendra les tests pour voir à quel point c'est efficace et à qui ça s'adresse. Hein, parce que sur RTX 4000, seules les hautes fréquences finalement sont concernées par ce genre de truc. Mais bon, on attend les tests. C'est quand même prometteur. C'est assez logique, hein, je dirais, que AMD sorte un truc en réponse à DLSS3, sinon ils auraient eu l'air, tu vois, évidemment, c'est toujours pareil, des questions d'image aussi. Et donc ces magnifiques cartes hein, sont disponibles le 13 décembre, et sont globalement une réponse très solide à Nvidia, hein, parce que, oui, la couronne des performances brutes et brutales reste probablement sur la tête de Jensen Huang. Franchement, est-ce que c'est si important, tu vois ? Avec des hauts de gamme à 900 $, on peut raisonnablement espérer des milieux de gamme et des entrées de gamme accessibles qui offrent des performances tout à fait correctes. Parce que le gros du marché, il n'est pas sur des cartes à 1600 ou à 2000 €, tu vois ? Il est sur des cartes qui sont facilement 3 ou 4 fois moins chères que ça, en fait, je pense. Donc les cartes d'AMD sont moins chères, elles consomment moins. Une 7900 XTX n'a pas à rougir de ses performances. Hein. Elle dépasse 80 FPS en 4K Ray Tracing hein, sous Snowdrop. D'ailleurs, ils ont fait un partenariat avec Ubisoft. Snowdrop, c'est le moteur qui va faire tourner, par exemple, Star Wars et le prochain Avatar. Donc voilà, alors, en jeu réel, on verra bien. mais il est possible qu'elle soit vraiment pas loin du 4090. Je serais pas surpris qu'elle soit, je sais pas, 10% de moins ou 15% de moins. Mais bon, pour 600 balles de moins, 600 dollars de moins. Voilà, en tout cas, je vous en reparle dès que les tests arrivent. Eh ben on a hâte, et puis c'est peut-être l'opportunité justement aussi de se pencher, du coup, comme on parle des Radeon, des résultats d'AMD. Alors, est-ce qu'il souffre un petit peu du creux de la vague dans le minage de crypto-monnaies, Guillaume ? Eh oui, ils sont pas fameux stream astreint, bon, comme tout le monde, c'est vrai. Bon, évidemment, ils souffrent d'un ralentissement sur les ventes, les ventes de PC, hein, comme tout le monde. Ils souffrent, comme tu le dis, de la fin du minage d'Ethereum aussi, parce que bah oui, hein, c'est... Mmh. Ça vendait aux mineurs quand même, les mineurs, ils regardent pas à la dépense en fait le plus souvent. Donc il y a le rachat de Xilinx aussi, dont on a parlé en février dernier, qui lui a quand même coûté 50 milliards. Alors, ils ont fait des trucs comptables, bon, en fait, tous les cas, ce trimestre, AMD a fait un chiffre d'affaires de 5,6 milliards, mais il fait quasiment pas de bénéfices. Enfin, il fait 66 millions, ce qui est quasi anecdotique. Donc le segment gaming pourtant est en hausse, hein, avec 14%, grâce aux consoles de jeux, et principalement, la division data center se porte très bien, avec une croissance de 45%. Et puis bah, l'embarquer, bah, le marché de Xilinx va lui s'en c'est à lui quoi, ça va lui revenir, donc ça va devenir un marché vraiment intéressant dans le futur, je suppose. Donc l'un dans l'autre, AMD s'en sort mieux qu'Intel, mais c'est un trimestre qui est particulièrement difficile à peu près pour tout le monde de toute façon. Hein. Ouais, il faut savoir aussi avoir des périodes un peu plus compliquées, on va voir comment ils vont les affronter. Période alors probablement pas difficile à ce stade, mais quand même, parlons-en un petit peu, de Sony et notamment du coût du PlayStation VR 2, puisqu'il a été positionné. Et on sait désormais combien il va falloir dépenser, Guillaume, pour s'équiper en février 2023 du nouveau casque de réalité virtuelle de Sony. Ouais, ça y est, on sait ce qu'il restait à savoir sur le PSVR 2, hein, quand il sort, effectivement, et combien il coûte. Et il coûte 600€ ou 600$. Et ça pique un peu quand même, parce que se souvient que le PSVR premier du nom se vendait 400€. C'était le prix de la console PS4 au lancement. Et là, casque se retrouve plus cher que la PlayStation 5, même après sa hausse de prix. Et sans aucun jeu. Et ouais, il faut rajouter encore 50 balles pour avoir Horizon. Donc ça nous fait une PlayStation 5 à 550 balles. Il n'y a pas un package qui risque d'être prévu. Si, si, un PSVR 2 à 650 balles avec Horizon, pour le pack avec Horizon. Bon, voilà. Donc ça fait 1200 balles le pack, hein. Ça commence à devenir dispendieux quand même, hein, de jouer chez Sony, hein, surtout que les jeux sont quand même passés à 80 balles pièce. Alors ok, le casque est très cool, de la vie générale il est très bien, il intègre des technologies avancées comme le suivi du regard, tout ça. Enfin quand même, le BetaQuest 2, même après sa hausse de prix, il reste bien moins cher, puisqu'il est à 450€, il est autonome, il peut servir de casque sur PC aussi, voilà. Et tu vois les jeux qui accompagnent le PSVR 2, bon... Mis à part Horizon, oui, tu peux jouer à Resident Evil Village, ok. On va pas dire qu'il y ait des killer apps non plus complètement encore, tu vois. Et comme le casque est pas rétro-compatible en plus, bah, c'est dommage, tu peux faire une croix sur plein de jeux qui auraient peut-être aidé à faire passer une pilule qui est quand même assez volumineuse, là. Donc, le PSVR 2, il est beau, mais il est cher. Et voilà, et le reste, tout ce qui est autour, est pas donné non plus. Et les joueurs, eux, bah, ils ont de moins en moins de fric disponible. Donc je sais pas quand la collision des deux phénomènes voilà, commencera à poser des gros soucis. Mais c'est peut-être, ça commence peut-être déjà à être le cas d'ailleurs, hein, parce que Sony affiche ce trimestre des résultats qui sont pas mirobolants. Le nombre d'inscrits PSN Plus continue de baisser de 47 à 45 millions. Donc heureusement, les revenus du PSN, du PS Now, tout ça, ainsi que de la pub, hein, ça continue d'augmenter de 679 à 794 millions. Donc en fait, il y a peut-être un peu moins de gens, mais apparemment, ils consomment, ils dépensent plus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,4 à 4,9 milliards, et le bénéfice, par contre, chute de presque de moitié, à 285 millions. Et en plus, eh ben, il faut bien se rendre compte que Sony profite d'un yen très faible par rapport au dollar. Donc, comme le yen est très faible, tout ce qui est fabriqué au Japon est moins cher. Et ça permet à Sony de poster des bons résultats, par exemple sur ses capteurs photo. Sur ses capteurs photo, où toutes les usines sont au Japon, bah, du coup, il permet d'afficher de bons résultats. Donc au premier abord, tout roule. Mais si tu regardes à monnaie constante, en fait, il n'y a aucune croissance. Hein. C'est complètement plat. La branche gaming profite, elle, un peu moins du yen faible. Mais globalement, si tu veux, les résultats de Sony paraissent meilleurs que ce qu'ils auraient été sinon. Et c'est peut-être un peu inquiétant. Ouais. Bon, il y a des périodes compliquées, comme je disais, pour tout le monde, et malheureusement, Sony n'en échappe pas. Écoute, c'est un peu la tendance hein, qu'on dessine depuis quelques épisodes maintenant de Tech Café, c'est que c'est une période sur laquelle il va falloir peut-être être patient et être un peu rationnel et pas trop se lancer dans des initiatives ubuesques. rapport au début de l'épisode, peut-être, mais c'est pas sûr. Merci beaucoup Guillaume pour la revue complète de l'actu tech de cet épisode. C'était encore une fois un grand plaisir de passer ce moment d'enregistrement en ta compagnie, et puis bah, j'espère tout simplement que vous aurez apprécié aussi cet échange et cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous est utile surtout, et que oui, on a contribué à ce que vous passiez un bon moment dans les transports par exemple, dans votre voiture ou pendant que vous faites du ménage ou du sport. Si jamais c'est le cas, et si jamais vous considérez que l'info qui vous est apportée a une quelconque utilité, que ce soit dans votre connaissance de la tech à titre perso ou même peut-être dans le cadre de votre travail, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé pour voir comment votre soutien pourrait nous aider et dans quelle mesure vous pourriez profiter des contreparties. Je vous invite une fois de plus à aller jeter un coup d'œil sur le serveur Discord et laisser des avis sur l'app Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Il est grand temps de vous rappeler, vous qui nous écoutez et qui nous avez écouté aussi longtemps dans cet épisode, où est-ce qu'on peut nous retrouver, à commencer par toi Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Ah mais moi on va me retrouver en train de recompresser toute ma musique au format méta pour le mettre pour tout mettre sur une disquette. C'est intéressant. Et oui, tu pourras mettre toute ta collection complète sur un CD peut-être. Génial, merci. Moi c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, vous me retrouvez sur guillaumevendée@mastodon.social pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. J'ai aussi mon compte sur Twitter Guillaume Vendée, compte Instagram, tout est formaté sur la même nomenclature. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.